Il est midi. Comme un air, c'est l'événement chanson française que vous propose l'association Art & Bass ce samedi 28 septembre à la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq. J'arrive le matin au bistrot du coin. Je m'installe sagement, l'âme sans tourment. J'ai plein de trucs à faire qui pourraient me rendre fier. Je commande un café pour me réveiller. Je brûle une cigarette. Alors venez écouter dès 20h les groupes Loïc l'Antoine, La Rue qui t'emmerde et DJ Selmar. Un bel avenir. Et le tout en live sur les ondes de Radio Campus Lille. Alors rendez-vous 268 rue Jules Gued, la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq, pour une soirée chanson française organisée par Art & Bass. C'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien. C'est mon côté punk. C'est la vie en vie qui se fout, mon avis. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus et vous faites bien, puisque c'est l'heure d'Angle d'Attaque, l'émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes deux animateurs, Florent, toujours à la technique, et moi-même René. Christian sera parmi les invités. Alors aujourd'hui, nous vous parlerons de la gratuité des transports publics, car les choses bougent, semble-t-il, particulièrement ici en métropole lilloise, avec les récentes déclarations de Martine Aubry et de Damien Castelin. Et d'autre part, s'est tenue il y a quelques jours à Châteauroux les deuxièmes rencontres internationales des villes aux transports publics gratuits. Nous avons donc invité des représentants du collectif pour la gratuité des transports publics à Roubaix, qui depuis le début de cette année mène une campagne sur la ville de Roubaix. Bien sûr. Nous avons donc Monique et Christian d'Attaque Lille. Bonjour Monique, bonjour Christian. Bonjour René. Et Didier Delinotte d'Attaque Roubaix-Tourcoing. Bonjour Didier. Bonjour René. Et encore merci d'avoir répondu à notre invitation. Monique et Christian, vous avez participé aux rencontres internationales de Châteauroux, ainsi qu'à la réunion de coordination nationale qui se tenait également à Châteauroux. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors c'était les deuxièmes rencontres des villes qui sont passées à la gratuité des transports. La première avait lieu l'année dernière à Dunkerque, et cette année c'était à Châteauroux, et qui a accueilli environ 300 participants, pas tous au même moment, mais sur deux journées. Donc la première remarque qu'on s'est faite en arrivant, c'est qu'à Châteauroux, il n'y avait aucun élu de la métropole lilloise. C'était pareil à Dunkerque l'année dernière. Ça n'intéresse pas trop les élus de voir ce qui se passe ailleurs sur ce sujet de la gratuité des transports, apparemment, les élus de notre métropole. Oui. Sinon, les débats étaient très très riches. Patrice Vergritte s'étant bien sûr fait remarquer par le projet de Dunkerque, qui impressionne toujours beaucoup et qui est un réel succès. Et la coordination nationale, il faudra en dire deux mots aussi, regroupe une dizaine de collectifs dans toute la France et lance un appel. Donc je donnerai un peu plus d'informations là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur les débats, des expériences du Canada, dans une petite ville qui démontre que le passage à la gratuité a été un véritable booster économique. Et puis, sur Châteauroux, une expérience vraiment intéressante d'une entreprise d'insertion qui dit aussi que sans la gratuité, ne pourrait rien faire avec le public qu'elle accueille, des centaines de femmes essentiellement travaillant dans le textile. Mmh. On a eu aussi, bien sûr, à Châteauroux, c'était ouvert à tous, il y avait des représentants aussi qui traditionnellement essaye de démontrer que la gratuité, c'est pas possible. C'est les représentants de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, et le GART, c'est le groupement des autorités organisatrices de transport. Et on connaît leurs arguments, évidemment. Ils sont de deux, essentiellement deux idées qu'ils développent sans arrêt sous diverses formes. C'est d'abord que la gratuité n'est pas possible parce qu'elle serait forcément synonyme de baisse de qualité. Oui, c'est-à-dire, si je crois avoir lu quelque part les conclusions du président de la FNOT, qui disait que puisque les municipalités ne gagneront plus d'argent, elles se désintéresseront du transport public et peu à peu celui-ci se dégradera. Voilà, c'est leur idée principale, c'est même une obsession. La gratuité signifie diminution de la qualité et donc... perte d'usagers parce que les gens prennent les transports en commun s'ils sont efficaces, avant l'argument financier. Et ça, c'est démenti à Dunkerque, qui a, avant de lancer la gratuité totale, pendant 2 ans, développé le réseau avec des voies propres pour les bus et en même temps des pistes cyclables, d'ailleurs. C'est le deuxième argument, ça. La gratuité... serait mauvaise pour les piétons et les cyclistes. Il n'y aurait pas de report modal intéressant. La gratuité permettrait à des gens qui, au lieu de prendre leur vélo, prendraient maintenant les transports. Ça aussi, c'est démenti par l'expérience de Dunkerque. Puisque les dernières études là, qui sont sorties montrent que 48% des nouveaux usagers des transports en commun sont des anciens conducteurs de voitures. Donc ces deux arguments tiennent pas la route, mais on les entend tout le temps. Mmh. Et c'est toujours aussi, en commençant par dire, moi personnellement je suis pour la gratuité, avec la main sur le cœur, mais pour ceux qui en ont besoin, autrement dit pour les pauvres. Voilà, c'est ce qu'on appelle la fameuse gratuité partielle. Voilà. Ou que Paul Ariès appelle aussi... le conservatisme compassionnel. C'est-à-dire que pour permettre de perpétuer le système, on fait quelques concessions aux plus démunis. L'objectif, la motivation de ces arguments, c'est quand même toujours de maintenir en place un système marchand en faisant quelques concessions et sur fond, évidemment, de charité, puisque c'est toujours les plus pauvres qui devraient bénéficier. De la tarification sociale. Oui. Christian ? Oui, c'est pire que ça, hein, sur les arguments de la FNOT. Donc, c'est aussi dire pourquoi, c'est le bon sens, hein, pourquoi ne pouvons pas faire payer ceux qui peuvent payer. Mmh. Et l'argument tombe lorsqu'on écoute Vergrit, lorsqu'on écoute la maire de Sainte-Julie au Canada. Mais qu'est-ce que ça veut dire cet argument ? Ça veut dire que l'école étant gratuite, ça veut dire qu'il faut faire payer les enfants dont les parents ont les moyens. L'hôpital étant gratuit, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire payer les parents ou les personnes qui ont les moyens de se faire hospitaliser ? Donc c'est un argument qui est à contre-courant, si vous voulez. C'est un véritable problème. Et puis on pourrait faire pire, puisque l'idée c'est que comme c'est gratuit, ça va se dégrader, ce qu'a dit un peu Monique. Et bien à ce moment-là, l'hôpital se dégraderait parce qu'il est gratuit. Ben, apparemment c'est pas faux, remarque. Avec la politique qui est menée actuellement, oui, voilà. C'est peut-être là par volonté politique. Je voulais préciser là-dessus. Moi, j'avais retrouvé des chiffres de l'ADEME où, en fait, en moyenne, l'automobile mobilise en général 80 à 90% des budgets publics consacrés aux déplacements et seulement 10% pour les transports collectifs. Donc en fait, on peut voir qu'on a, de la marge, en fait, si on voulait un peu réduire le budget consacré à la voiture. Et j'ai appris aussi qu'à Copenhague, eux, ils sont très en avance sur le développement des transports en commun, du vélo, tout ça. Et ce qui les a poussés à réduire le financement de la voiture, c'est des problèmes économiques. La ville a des problèmes économiques. Et ils ont dit, on va réduire le financement de la voiture et puis en donner plus pour l'aménagement des transports alternatifs. Quoi. Alors là, je deviens questionnaire. C'est quoi le financement de la voiture, alors ? Ah bah c'est la voirie, j'imagine, les parkings, l'entretien de tout ça. Donc par les impôts. Par les impôts, oui. Et moi, si je peux ajouter quelque chose à cet argument qu'il faut faire payer les riches, c'est que c'est déjà le cas avec les impôts. Oui. Et que nous, ce qu'on veut, c'est que les transports publics soient considérés comme un service public, même un bien commun, et qu'ils soient financés par l'argent public, c'est-à-dire par ceux qui ont les moyens de payer des impôts. Oui. Justement, là, on vient d'évoquer la notion de bien commun. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette notion, essayer de la définir entre bien public, bien commun, qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, enfin, c'est pour ce qui concerne les transports publics, si nous voulons, ce qui est un peu notre objectif, j'y reviendrai sur l'étude que nous allons mener à Roubaix, l'idée de bien commun pour nous, c'est que l'usager est aussi quelqu'un qui fait partie des décideurs. Le principe de bien commun, c'est que les gens qui utilisent les transports, qui utilisent une terre mise en commun, parce que l'idée vient de là, hein. L'idée vient du Moyen-Âge, même avant, où une partie de la terre autour de la ville, du village, était mise en commun pour tout le monde, pouvait faire paître ses moutons, voilà, ou cultiver quelque chose. Donc c'est ça le bien commun. On a d'autres exemples de biens communs très intéressants avec les pêcheurs, en l'occurrence. Dans la région dans le sud de la France, notamment à Cassis, les pêcheurs ont un bien commun, c'est-à-dire qu'ils ont un territoire. Ils peuvent pêcher là-dessus. Ils ont même un tribunal pour ceux qui enfreigneraient les lois. Alors, pour ce qui concerne les transports publics, pour nous, les biens communs, c'est de faire participer les usagers à la gestion. Faire participer pas seulement les usagers, le personnel navigant, le personnel de contrôle, on espère qu'il n'y en aura plus, mais aussi les actionnaires et la MEL, en fait, les quatre personnes, les quatre institutions finançant la MEL. Et mettre autour de la table ces gens pour décider, pour prendre des décisions sur les arrêts de bus, sur le confort du bus, etc. C'est ça ce que nous appelons le bien commun. Et c'est cela que nous voulons faire émerger dans la tête des gens aussi à Roubaix. Et c'est aussi, en fait, c'est un moyen d'améliorer la vie des gens sans exclusion de personne. C'est exactement, René, merci de le dire, c'est exactement la question, parce qu'effectivement, nous, notre réflexion « Pourquoi Roubaix ?» vient aussi de cet excellent ouvrage « Sociologie de Lille », où l'on parle des invisibles. Hein, des gens qui, à Roubaix, ne font plus partie de l'espace public, comme on dit de façon comme un sociologue. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une bonne partie des gens ne votent plus à Roubaix depuis longtemps. Et j'ai le chiffre en tête d'un quartier comme l'Almagar, où la participation au dernier vote, c'était 12% quoi, de participation. Moi, je peux ajouter aussi sur cette question-là de concevoir les transports comme un bien commun ou un service public plutôt que comme un service marchand, quitte à réduire les coûts, eh bien c'est, en effet, pour une équipe municipale, c'était le cœur de la campagne de Patrice Vergriet à Dunkerque. L'idée de passer à la gratuité, c'était de redonner du pouvoir d'achat aux Dunkerquois, et les élus, localement, n'ont aucun autre moyen d'agir que sur les services publics pour corriger les inégalités qu'ils constatent dans leur ville. Et ensuite, je voudrais revenir sur le bouquin de Paul Ariès, où il parle de gratuité totale par opposition aux gratuités partielles, dont on a dit qu'elles servaient plutôt à maintenir le système en place. Et lui, il parle de gratuité émancipatrice, parce qu'en effet, elle ne se construit pas autrement que dans dans un dialogue et dans la démocratie et la participation des citoyens aux décisions. Donc, oui. Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit donc sur les biens communs et le service public. Juste pour ajouter que la gratuité, c'est aussi... pour nous, l'extension du champ de la gratuité, c'est aussi automatiquement la restriction du champ du monde marchand, capitaliste pour ne pas le nommer. Et pour nous, c'est une bataille importante. Donc à travers les biens communs, les biens publics, c'est une bataille qui concerne les transports, qui peut aussi concerner évidemment l'eau, l'énergie, les télécommunications, pourquoi pas. Des tas de domaines où justement la lutte pour la gratuité implique justement une conquête d'espace justement de non marchand. C'est vrai. Je voulais dire aussi, est-ce que justement cette notion de bien commun nécessitera certainement une évolution des mentalités du public, notamment une volonté d'implication. Est-ce que ça commence à venir parmi les gens? Ah ben c'est certainement une sacrée bataille. Ouais. Les premiers qui ne sont pas prêts à lâcher les biens communs, c'est d'abord les élus. Oui, hein, déjà. Et donc, c'est une sacrée bataille de dire aux gens qu'ils ont un pouvoir. Et ce pouvoir, il faudrait qu'on fasse comprendre que c'est pas, et ça a été dit de façon vraiment récurrente ces dernières années, c'est pas simplement donner un bulletin, mettre un bulletin dans une urne et attendre 5 ans ou 6 ans selon les élections un nouvel élu. Non, je pense que c'est une véritable bataille qu'il faut mener pour dire aux gens, mais oui, mais si, vous avez un pouvoir. Et on peut le voir de façon émergente dans des endroits, et en particulier à Roubaix, avec ce qui s'est fait autour des quartiers, où les gens se sont mobilisés parce que tout simplement on allait détruire leur maison, que le maire, sur un plan certainement magnifique, on va créer des espaces verts plus des nouveaux immeubles, sous-entendu, vous allez partir, quoi. les gens réagissent. Et parce que c'est leur problème qui est en cause. Ouais, ils sont confrontés directement au problème. Voilà. Et ça, c'est quand même très très important. Et Roubaix, de ce point de vue, est une ville assez typique. Atypique, je veux dire. Oui, si je peux ajouter aussi quelque chose, c'est que la participation citoyenne, c'est-à-dire le contrôle des citoyens sur les décisions des élus, c'est la seule façon d'éviter les gaspillages qu'on constate depuis 20 ans ici dans la métropole lilloise et ailleurs. Moi, je vous rappelle quand même cette piscine à 78 millions d'euros, débattue nulle part, dans aucun conseil municipal et encore moins avec la population. C'est les 60 ou 70 millions des portiques inutiles dans le métro. Et c'est aussi le cadeau de 108 millions offert à Eiffage avec le grand stade. Et donc c'est là que la démocratie est indissociable de cette volonté de passer à la gratuité. Passer à la gratuité, c'est pas seulement supprimer la billetterie et financer autrement, c'est aussi impliquer tout le monde et c'est aller plus loin dans la démocratie locale et la participation réelle des citoyens à leur vie. À Dunkerque, d'ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas construit l'aréna qu'ils ont pu transférer le coût pour financer les transports publics. C'est savoir donner des priorités. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? C'est exactement ce que nous a dit Damien Carême dans la conférence du 5 janvier 2019, où il disait « Moi, j'attendais les opposants, ils m'ont parlé de l'aréna, j'ai dit oui, ça concerne 10 000 personnes au maximum. Par contre, j'ai 200 000 Dunkerquois à faire voyager. » Voilà. Donc le choix était très vite fait. Patrice Vergrit n'a pas dit autre chose d'ailleurs, puisqu'il a dit, alors lui, pour aller dans ton sens, Florent, c'est qu'il disait de façon très humoristique, quand je suis arrivé, le pognon était déjà là pour l'aréna, donc je pouvais le consacrer directement à la gratuité des transports. C'est d'ailleurs cet argument qui lui a fait prendre la mairie. Et à Châteauroux, il y a un journaliste qui nous a dit, mais voilà, Châteauroux c'est une ville de droite, Aubagne, qui était une des premières à passer à la gratuité. Justement, c'était une ville de gauche. La gratuité de droite, de gauche, c'est pas, y a pas de... Mais on va y venir. Oui. Oui. Alors ben moi simplement j'avais envie de dire ce qui motive les élus, c'est le sens du service public. Et ça, est-ce que c'est plus de droite que de gauche? Ben, on n'en sait rien. C'était une bonne question, en tout cas. Mais effectivement, rappelons quand même que Châteauroux, c'est fait 18 ans que c'est en transport gratuit. Hein. C'est quand même pas rien. En fait, ça dépend qui est à droite, parce que bon, les plus libéraux, conviction ultra-libérale, ils seront forcément contre, parce qu'il faut marchandiser ce côté-là. Et après, des fois, bah, à gauche, ils vont dire, bah ouais, mais pourquoi les plus riches doivent... Enfin, on va rendre gratuit même pour les plus riches les transports, alors que ça serait que pauvre. C'était aussi un argument, voilà. Ça. Bah oui, mais si c'est gratuit pour tout le monde, ça crée une forme d'injustice parce que les riches pourront en profiter autant que les pauvres. Et oui, mais l'argument de l'hôpital, l'argument de l'école, c'est le même. Moi, je pense aussi surtout que les élus ont renoncé à la politique et à avoir des idées. Ils se contentent d'une vision comptable de leur rôle, et c'est ça qu'il faut faire bouger. Je pense que le principal obstacle à surmonter, c'est qu'on a souvent en face de nous des élus qui ont un discours, le discours du raisonnable, et qui n'ont plus de projet politique. Qui n'ont plus d'imagination. Plus d'imagination. Oui, parce que souvent, quand on propose un projet un petit peu novateur, souvent, la réponse, c'est il faut être raisonnable. Voilà. Le raisonnable, c'est la bonne conscience de ceux qui ne veulent pas agir. Partout, dans tous les domaines. Mais j'ai peur de sortir un peu du cadre, mais je pense ici à la thèse de Johan Mio, où pour les grandes villes en particulier, les élus se battent pour la visibilité, en fait. Qui fera le plus beau spectacle, qui fera le plus beau machin, le plus bel aréna, etc. Et c'est une concurrence entre les villes pour attirer les classes moyennes supérieures, bien entendu. C'est ça un peu le jeu, quoi, qui se passe. Alors, sur Châteauroux, il faut parler aussi de la coordination. Nationale, oui. Voilà. En 2016, à Grenoble, quelques comités locaux qui se battent pour la gratuité des transports ont constitué une coordination nationale. On était 4-5 groupes, moi j'y étais, et j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une précédente émission ici. Cette fois-ci, à Châteauroux, la coordination lance un appel qui est déjà signé par à peu près 300 personnalités représentants du monde associatif ou politique ou syndical. Et alors l'appel, il est lisible sur le site qu'on a créé, là, Osons la gratuité. Je redonnerai les coordonnées tout à l'heure, à TAC. Il est aussi visible sur le site du réseau national pour la gratuité. On a des petits autocollants qu'on va mettre un peu partout, et même ici dans ce studio, pour rappeler les coordonnées de tous ces gens qui se battent pour la gratuité. En gros, il interpelle tous ceux qui agissent, donc les politiques, mais aussi les représentants syndicaux, et tous ceux qui agissent dans le monde associatif, à essayer de mettre tout en œuvre pour imposer ce débat sur la gratuité et y arriver dans la plupart des lieux où ça peut se faire. Et c'est localement qu'on peut agir. Voilà. Oui. Alors, je vais peut-être redire que j'invite le plus grand nombre d'entre vous à aller lire cet appel qui rappelle les urgences sociales, écologiques et la nécessité aujourd'hui de trouver des solutions, et puis qui donnera toutes les coordonnées pour inscrire un nom sur la liste. Justement, j'ai encore une question là, sur les thèmes généraux. L'avenir de la gratuité par rapport évidemment aux questions sociales, sanitaires, écologiques, comment vous le présentez? Pensez que ça devrait prendre de l'importance? Oui, on est convaincu déjà de ça, mais je pense que les deux jours que nous avons passés à Châteauroux, et ce que nous avons entendu de la part des maires, de la part des techniciens, de la part de responsables des transports publics, etc., nous donne vraiment un sentiment d'optimisme, quoi. Tous les arguments, et on n'a pas développé, mais tous les arguments contre de la FNOT ont été balayés. Mais ah oui, c'est même impressionnant, quoi. Hein. Sur, je peux encore en dire un mot, sur le développement, pour te parler de ça. Sur le développement, c'est-à-dire qu'on dit, il y aura de moins en moins d'argent, donc on va laisser tomber le matériel, on va laisser tomber le réseau. C'est exactement le contraire que nous a dit la maire de Sainte-Julie en Verchères au Canada et Patrice Vergritte. Au Canada, c'est un truc canadien, c'est pas seulement la petite ville de 30 000 habitants qu'elle gère. On crée des TOD, c'est-à-dire des lieux où de fin de circuit où il faut construire. Il y en a 115 dans le Canada, autour de Québec. Elle le crée à partir du service du public gratuit. Et donc, il y aura un arrêt. Et donc, là où il n'y a pas grand-chose actuellement, je vois les photos, c'est assez tristouné, il faut bien le reconnaître, on dirait une friche industrielle. Et bien là, parce qu'il y a un public gratuit, on va amener les gens, et bon, ils vont voir leur magasin, ils vont voir leur logement, etc. Et Patrice Vergritte n'a pas dit autre chose. Mmh. C'est marrant, parce que c'est ta première intervention, et Patrice Vergritte, c'était la dernière intervention. Il y a deux jours entre deux. Et Patrice Vergritte disait, nous, dans l'avenir, le développement est obligatoire. Mais on ne sait pas ce que ça va donner. Ce qu'on sait tout de suite, c'est qu'il y a 30% des parkings du centre de Dunkerque qui ne sont plus occupés. Parce que les gens viennent en bus. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce territoire qui n'est plus inoccupé? Bon, on peut imaginer faire un supermarché avec des bâtiments et des logements au-dessus. Mais il va plus loin. Il dit, mais la gratuité peut changer la communauté urbaine de Dunkerque, peut transformer le mode de fonctionnement de cette ville et changer les centralités. Peut-être que des villes vont prendre peut-être plus d'importance que des centres. Ce ne sera plus forcément seulement Dunkerque centre-ville, mais d'autres villes. C'est-à-dire que ça redynamise aussi des quartiers éloignés du centre-ville et isolés. C'est tout à fait ça. T'as tout à fait compris, René. C'est exactement ce qui nous a paru. Et on a été vraiment sidérés de voir Patrice Vergritte, qui a quand même dominé par sa présence et par son intelligence du problème, cette question. Et il voit très très loin de ce point de vue-là, et ça c'est quand même très très réjouissant pour nous. Hein. Je vais dire un mot, on a été, nous qui sommes les contestataires dans l'histoire, eux ils sont convaincus, c'est fait, on a été super bien reçu à Châteauroux par le maire de Châteauroux. Il nous a réservé une salle pour deux soirées. C'est quand même un accueil qu'il faut noter, quoi. Et pour compléter aussi ça sur le rôle et le pouvoir d'agir des maires, il faut dire que la pollution qu'on subit ici, dans les grandes villes et les métropoles comme Lille, elle a deux sources, la voiture et le chauffage. Sur ces deux sources de pollution, on peut agir localement. On n'est pas une zone industrielle avec des industries chimiques qui polluent. Nous, c'est vraiment ces deux causes-là sur lesquelles on peut agir. Là-dessus, je préciserai que les transports gratuits, ça peut être indispensable pour une alternative à la voiture, mais quand bien même, il faut limiter, il faut avoir des mesures pour pouvoir limiter l'entrée de la voiture pour que ceux qui prennent la voiture se disent maintenant je peux prendre les transports parce que c'est gratuit. Si on limite pas, à mon avis, si on rend les transports publics gratuits, qu'on limite pas l'entrée des véhicules dans la ville, je pense pas qu'il y aura un report modal comme on dit. Oui, il faut penser globalement la mobilité dans une ville, dans une métropole, en pensant les voies de bus, les pistes cyclables, les parkings périphériques, et pas des parkings comme chez nous, à 15 euros la journée. Si vous allez à Rotterdam, le parking est gratuit, et dans le centre-ville, les cyclistes circulent plus librement. Et il y a un transport commun qui t'amène dans le centre-ville. Voilà. C'est une vision globale, en fait, de... Il faut une vision politique globale de cette question de la mobilité dans les villes. Maintenant, peut-être passer ici au local. Alors, les transports gratuits dans la Malle, où en est-on là, suite aux récentes déclarations de nos élus? Moi, je dirais que c'est... On sent la campagne municipale arriver, et les mêmes qui, en 2014, disaient, moi je les ai rencontrés, j'ai rencontré plusieurs élus des villes de la métropole, qui me disaient c'est absolument impensable, certains me disaient même, dans mon parti je n'oserais même pas aborder la question. Les mêmes aujourd'hui, Martine Aubry, Damien Castelin, et puis il y a quelques temps c'était aussi Gérard Darmanin, qui prenait la gratuité pour le tramway, si on se demande pourquoi. Seulement le tramway. Voilà, Martine Aubry pour, il me semble, les chômeurs et les personnes âgées, oui. Et Castelin pour les pics de pollution. Donc ça fait vraiment effet d'annonce, argument électoral. Et encore une fois, moi je reviens sur ces gratuités partielles qui ont surtout pour objet de ne pas aborder le sujet qui nous intéresse, c'est casser ce service, cette logique marchande qui gère les transports et penser les transports comme un service public. Et en même temps que cette gratuité partielle stigmatise les plus pauvres aussi. Exactement. À chaque fois, ils doivent toujours prouver qu'ils... Bien sûr, qu'ils trichent pas, qu'ils sont vraiment pauvres. Non, juste pour dire que les évolutions dont parle Monique, qui sont certes électoralistes, bon, il ne faut pas nous la faire quand même, mais bon, ça met quand même dans le débat, en tout cas, l'aspect gratuité, même si eux parlent de gratuité partielle. Et ça veut dire aussi que nous, les militants de la gratuité, qu'on voyait d'une façon un peu lunaire, enfin, on était des utopistes, voire des farfelus, bon, tout ça, c'est quand même... C'est arrivé dans le débat et c'est quand même très important que ça arrive maintenant, même si c'est à la faveur des municipales. Et c'est quand même quelque chose qui met de l'eau à notre moulin. Et sur Roubaix. Oui, et sur Roubaix, peut-être que devra développer. Sur Roubaix, oui. Alors, rappelez ce qu'on fait depuis le début. Sur Roubaix, donc, on m'a invité en tant que régional de l'étape un peu. Donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait sur Roubaix. D'abord, pourquoi Roubaix Pour des raisons, bon, on a fait un peu l'historique des anciens collectifs qui n'ont pas malheureusement réussi à avoir beaucoup de choses. Bon, il y a aussi l'opacité de la Malle. On s'est dit que de toute façon l'institution était impossible à influencer, en tout cas, donc à mener une action dans leur direction. Donc pourquoi Roubaix? Parce que c'est quand même une population, faut savoir que c'est 45% des ménages sous le seuil de la pauvreté à Roubaix, donc c'est... Pour des raisons écologiques, parce que c'est aussi l'une des villes les plus polluées de France, pour des raisons sociales et pour ce qu'on peut appeler le municipalisme, et qui, pour nous, répond à la question de savoir ce qu'une ville, une municipalité peut faire. Et pour nous, elle peut, avec une volonté politique, elle peut faire beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a choisi au départ le territoire de Roubaix. Donc bon, c'est un collectif qui est quand même qui devient un peu assez ancien, parce que notre première réunion, si je ne m'abuse, date de décembre de 2017. Donc on était, la question c'était aussi de rendre du pouvoir d'achat et de la mobilité dans une population de Roubaix qui était quand même assez stigmatisée en général. Donc on a d'abord fait des enquêtes sur 4 marchés de Roubaix au printemps 2018, donc en avril-mai 2018. On a eu environ 200 réponses, bon, avec les principaux enseignements qui étaient 44% des gens qui prenaient les transports en commun. Donc on a eu aussi des critiques sur ces transports qui étaient essentiellement en termes de fréquence, de desserte, de tarifs, de confort, comme on peut l'imaginer. Et on avait été quand même surpris par le fait que 25% seulement avaient un abonnement. Donc on se disait que les tarifs sociaux ne bénéficiaient pas spécialement aux plus pauvres. Et il ressortait de ce questionnaire aussi dans les grandes lignes que 72% étaient pour une gratuité totale, 16% pour une gratuité partielle et 4% étaient contre. Donc ça nous a encouragés, d'autant que l'accueil était plutôt bon sur les marchés. Donc le 21 janvier, Christian en a déjà parlé, on a eu un débat public donc avec Damien Carême qui nous a expliqué En gros, comment on a fait à Dunkerque et à la communauté urbaine de Dunkerque. Et Fabien Desage, sociologue, donc, qui nous a dit en gros comment on peut faire sur Roubaix, parce que lui connaît bien quand même la... Il a fait donc des ouvrages sur la sociologie de Lille, mais il connaissait, c'était un fin connaisseur quand même du tissu roubaisien aussi. Et il nous a donc donné des conseils qu'on a suivis. Donc on a aussi interpellé la mairie avec on a une entrevue avec Monsieur Garcin qui est donc chargé des transports à la mairie de Roubaix. Bon, une entrevue qui n'a pas donné. Énormément de choses, donc on a continué nos réunions avec souvent des membres de formations politiques de gauche, des associatifs aussi, mais malheureusement pas de syndicats, donc on essaye encore d'élargir, mais bon, on se retrouve souvent avec des gens quand même d'attaque, même si nos réunions sont ouvertes. Et bon, on avait décidé de se lancer dans le référendum d'initiative local citoyen, donc c'était avec la question donc des transports gratuits sur la ville de Roubaix, avec il nous faut, je rappelle qu'il nous faut un cinquième du corps électoral, donc c'est pas gagné. On a fait signer ces pétitions donc cet été à Eurotéléport. Bon, on obtient évidemment des signatures, on a un accueil qui est excellent avec notre discours sur la gratuité qui passe de mieux en mieux. Bon, malheureusement, il faut quand même quelques milliers de signatures et pour l'instant, on est loin du compte. Donc, on a décidé de mettre ces pétitions de plus en plus à disposition dans des lieux associatifs, dans des centres sociaux. Je pense au restaurant L'Univers, il y en aura à la FAL, évidemment, il y en aura à la MDA de Roubaix, il y en aura un peu partout. Donc, c'est comme ça qu'on réussira à avoir un maximum de signatures pour peser sur ce qui est quand même l'un des buts de la manœuvre, pour peser sur les élections municipales de mars 2020. Oui, et on peut aussi signer cette pétition en ligne, maintenant. On peut la signer en ligne, maintenant, oui. Alors, j'ajoute un mot rapidement, hein, pour conforter notre travail sur Roubaix. On a eu l'occasion de répondre à un appel d'offres de l'université depuis peu de temps, mais l'université lance un appel d'offres, un appel à manifestation d'intérêt, ça s'appelle comme ça, pour les associations, pour un travail commun association-université. Et donc... ça va, alors, sous quelle forme ça se fait ? Sous une forme tout à fait intéressante. Un professeur d'université, en l'occurrence, ce sera Fabien Desage, demande à des étudiants de travailler avec ATTAC sur Roubaix. On sait déjà qu'il y a une étudiante, il en revoit d'autres lundi, donc on est à peu près certain que ça se passera comme ça. Et donc, il dirige les travaux sur des étudiants sur Roubaix. Si j'ai encore une minute, donc on va faire le principe, ce sera de faire le point sur l'existant, analyse comparative des entreprises, des municipalités où le transport est gratuit, une enquête auprès des habitants pour savoir quels sont les besoins et en fait comment les organismes politiques et des organismes comme ATTAC changent la donne au moment des municipales. Voilà à peu près le cadre dans lequel on travaille. J'en dis pas plus, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler à un prochain numéro d'Angle d'Attaque. Et la Mel, ah bah oui, la Mel, on essaie de les prendre à leur propre jeu, puisque la Mel a lancé le président de la Mel, qui est aujourd'hui en examen, mais le président de la Mel a dit qu'il a lancé son comité de pilotage qui a travaillé sur le fameux schéma directeur des infrastructures de transport. Le SDIT, effectivement. Il est prêt à faire une réflexion sur la gratuité. Eh bien, nous, à ATTAC, on a dit, eh ben d'accord, on est prêt à participer à vos travaux. Et on attend la réponse. Et on attend la réponse. Bien. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'est-ce Moi, que vous souhaitez dire ? J'aurais envie de dire l'année qui s'amène est une année électorale. Et puis, comme on l'a dit, les élus, s'ils le veulent, ont un pouvoir d'agir sur les transports, sur d'autres champs où les services publics peuvent aussi être des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Et donc, il faut faire ce qu'on peut pour imposer le débat. Il faut les interpeller. Moi, Si je rencontre Martine Aubry, j'aurais envie de lui dire, ou bien les autres, hein, Castelin, mais vous nous promettez aujourd'hui de remettre des gratuités pour les chômeurs, pour les plus démunis, mais vous nous promettez de refaire ce que vous-même avez défait depuis 20 ans. Ah oui. Parce que les gratuités pour les lycéens, pour les personnes âgées et pour les chômeurs ont existé dans cette mêlée. Et c'est bien la logique privée et de marché, la logique de marché, qui va vers toujours moins de gratuité. Et pas l'inverse. Merci, oui. Moi, j'invite tout le monde à interpeller les élus, les candidats cette fois-ci, sur la vision qu'ils ont de la ville et comment ils verraient la ville de demain sans voiture, avec un air respirable et des gens qui circulent librement et avec plaisir. Et si j'ai juste une toute petite minute, je voudrais dire que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps un éditeur qui fait de très belles choses, ça s'appelle l'étagère. Et ils ont fait un travail sur les transports en commun. Et ils ont récolté des témoignages donc d'usagers, de gens dans les quartiers et aussi d'élus. Et ils me disaient, les gens, la question qu'on leur posait, c'est comment vous voyez votre ville de demain ? Les gens ont plein d'idées. Dans tous les quartiers, plein d'idées. Les seuls qui n'en ont pas, c'est les élus. Et ben, il faut leur rappeler que c'est peut-être aussi leur rôle. Oui. Bon, on va terminer là-dessus. Hey. Hop. Le putois c'est pour se défendre, le master c'est parce que c'est bon. Les cochons c'est pour la légende, comme les pieds des vieux garçons. La punaise c'est quand on l'écrase, le colza quand il est passé. Les étangs c'est à cause de la vase, et le poisson c'est quand c'est pas frais. Ah, ce qu'elle est bien faite la nature, pour chaque odeur y a une fonction. Alors ta bagnole c'est une injure à la création. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole, elle pue. Alors ? Le sportif c'est quand il transpire, le chien chien quand il est content. Les algues c'est quand la mer se retire et la quand on marche dedans. Le butane c'est quand il s'échappe et les œufs quand ils sont pourris. L'eau de javel c'est quand ça décape et le brûlé bah c'est quand c'est trop cuit. Ah, ce qu'elle est bien faite la nature, elle qui pue surtout quand c'est grave ou quand on se lave pas. Mais toi, ta voiture, eh ben tu la laves. Hein, hein tu elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole, elle pue. Elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole, elle pue ta bagnole. Oh, oh, oh, hé, oh. Imaginez un monde sans rien, sans odeur de gaz et sans poisson. Sans putois, sans colza, sans chien, sans égout, sans pied, sans cochon. Oh, ça sentirait un peu le formol, ça serait vraiment aseptisé. Alors qu'un monde sans ta bagnole. Hein ? Oui, sans la mienne non plus, oui. Oh, ça va, hein ? Ah, ça, on le sentirait passer. Est-ce que ce serait bien la nature si elle repuait comme hier? Qui veut brûler sa voiture gagne un vol en hélicoptère. Ta ta ta ta ta, pour faire des photos vues du ciel. Super écolo. Ah, ce que ce serait bien la nature si elle repuait naturel. Qui veut brûler ma voiture? J'y offre un Babybel. Ça pue pas le Babybel. Non, ça pue pas. C'était Elle pue ta bagnole de François Gaillard. Bravo. Bon, ben là, je vais reprendre ma place de d'animateur. Oui. René a préparé, comme d'habitude, les activités d'attaque nationale et locale, et même internationale, d'ailleurs, on peut dire. À toi, René. Oui. Donc, au plan national... On commence par le national, d'accord. Retour sur les G7 et contre-G7 du mois d'août. Un G7 utile, vraiment. Emmanuel Macron s'est félicité d'un G7 utile. Selon lui, des décisions et des accords allant dans le bon sens auraient été pris. Mais les effets d'annonce masquent des décisions qui sont très loin d'être à la hauteur des enjeux. Et un contre-G7 face aux pyromanes de la planète. Le déploiement massif des forces de l'ordre, les arrestations abusives, les interventions policières à proximité du camp du contre-G7 n'ont pas réussi à nous faire taire. Une centaine de conférences, débats, ateliers ont rassemblé largement des mouvements citoyens et des milliers de personnes. Des actions de désobéissance civile ont été organisées et nos analyses et messages diffusés dans les médias ont pu couvrir la propagande du gouvernement. Nous retirons de ce contre-G7 des éléments très positifs, même si l'état policier et les conditions d'organisation de ce contre-G7 ne nous ont pas permis de mener jusqu'au bout ce que nous avions prévu. Mais on va se mobiliser cet après-midi. Oui. À Roubaix aussi, d'ailleurs. Ah oui. Et à Lille. Voilà, donc au niveau national déjà, mobilisons-nous pour la rentrée climatique et sociale les 20 et 21 septembre. À l'occasion de la venue de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale, un grand nombre d'organisations, dont Attaque bien sûr, ont lancé un appel à se mobiliser massivement les 20 et 21 septembre et à faire monter d'un cran un mouvement devenu populaire et inédit. Ces dates s'inscrivent dans le cadre d'une semaine internationale pour le climat du 20 au 27 septembre. Dont l'objectif est de faire pression sur les chefs d'État convoqués par l'ONU à un sommet exceptionnel sur le climat le 23 septembre. Oui, et puis d'ailleurs, il faut aussi mettre les multinationales hors service, puisque en tant que responsables du climat, elles se posent là. Oui, les multinationales ont atteint un niveau de pouvoir disproportionné et dangereux au détriment du reste de l'humanité et bien sûr de la planète. Il est temps de libérer le monde de leur emprise néfaste. La prochaine session de négociation du traité ONU sur les multinationales et les droits humains aura lieu du 14 au 18 octobre à Genève. Tandis qu'à Vienne, l'Union européenne cherchera à renforcer et à pérenniser le système d'arbitrage privé, l'ISDS, et la création d'une cour mondiale réservée à ces mêmes multinationales pour attaquer les États. Ce sera l'occasion de mener des actions avec les organisations impliquées dans la campagne Stop Impunité pour inciter la France et l'Union européenne à soutenir le traité ONU. Durant cette semaine mondiale de mobilisation, dès les 12 et 13 octobre, des dizaines d'actions vont être organisées partout en France, visant notamment BNP Paribas, Total et Amazon. Et à ce propos, je dois dire que nous sommes à Attaque et le monde diplomatique, les amis du monde diplomatique, ont été invités par la MRES qui vont faire une exposition sur les pinsons Charlot. Et on en reparlera après. Vas-y René. Oui. Campagne référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Une discussion en ligne est prévue le 25 septembre entre comités locaux d'attaque pour échanger et améliorer l'efficacité de la campagne. Nous approchons des 750 000 signatures, je crois même qu'on les a dépassées, et il faut booster la mobilisation pour atteindre les 4 700 000 signatures nécessaires d'ici la mi-mars 2020. Enfin, au plan local maintenant, alors tenue de stand début septembre, aux braderies de Lille et de Tourcoing, à la journée des associations à Roubaix, où les comités locaux de Lille et de Roubaix-Tourcoing ont proposé, entre autres, de signer les pétitions pour les référendums à Aéroport de Paris et gratuité des transports à Roubaix. Action Starbucks, samedi 14 décembre, plusieurs militants d'attaque, d'Extinction Rébellion, de Solidaire et des Gilets jaunes ont proposé aux passants un café gratuit devant le Starbucks de la rue Écarmoise à Lille. tout en diffusant des tracts pour dénoncer l'impact négatif de la chaîne Starbucks en termes d'évasion fiscale et d'impact écologique. Un avant-goût, en quelque sorte, de la campagne « Mettre les multinationales hors service », prévue en octobre. Et les manifs pour le climat, René, alors ? Alors, le vendredi 20 septembre, déjà, grève mondiale pour le futur avec Youth for Climate. C'était une action Parking Day, avec tenue de stand associatif, place Sébastopol à Lille. Le samedi 21 septembre, aujourd'hui même, à Lille, Manifaction, marche pour le climat. Le rendez-vous est à 14h Grand Place et se terminera au Belvédère sur la Friche Saint-Sauveur. Comme il se doit. Conjointement se déroulera la campagne Clean Up et à Roubaix, également une marche pour le climat. Le rendez-vous est à 14h30 Grand Place. Et le mercredi 25 septembre, ce sera la manifestation climat des lycéens. Les comités locaux d'attaque s'impliquent dans ces manifestations, et notamment ce samedi à Lille et à Roubaix. Alors l'association Parc Saint-Sauveur, elle a déposé de nouveaux recours le 10 septembre auprès du tribunal administratif contre la déclaration d'intérêt général du 28 juin. Une audience publique contre le premier recours s'est tenue hier, vendredi 20 septembre, en présence de Maître Rueff, avocate représentante de l'association. Oui, et n'oublions pas que Attac est membre de Parc, avec ta présence particulière, René. Merci. Enfin, bienvenue chez les riches, dont Christian a évoqué brièvement la tenue. C'est une exposition organisée par la MRES du 8 au 18 octobre, concernant les inégalités, avec notamment la présence des Pinsons Charlot, et à laquelle nous participons, notamment avec l'invitation de Dominique Plion, pour une conférence débat le mercredi 16 octobre. Non, c'est le 14 octobre. Le 14, pardon. C'est pas un mercredi, je crois, non. C'est un lundi, donc du coup. Oui, c'est un lundi, c'est le lundi 14 octobre. Et ça aura lieu donc, dans le grand amphithéâtre de l'école de journalisme. C'est un endroit assez prestigieux, c'est pas mal du tout. Voilà, je disais simplement tout à l'heure que le monde diplomatique, les amis du monde diplomatique et Attac avaient été invités par la MRES pour faire deux événements autour de cette exposition. L'autre événement, ce sera la venue d'Hervé Kempf qui sera à Espace Marx le 10 septembre. Mais là, par contre, je ne connais pas l'horaire d'un dit l'autre. Et enfin... la campagne « Mettre les multinationales hors service », c'est bien les trois comités locaux d'Attac projettent de relayer localement cette campagne. Ce sera le samedi 12 octobre et en collaboration avec d'autres organisations, comme par exemple les Amis de la Terre, Extinction Rebellion, etc. Oui. Donc, ça pour dire qu'on a beaucoup de travail et que nous travaillons... sur les deux champs en même temps, les champs un peu nationaux, internationaux, et puis le niveau local. Oui, donc on passe à l'agenda. J'allais te le dire. Donc nous sommes en plein milieu de la semaine pour un revenu de base, donc plusieurs rendez-vous à Lille, dont certains qui sont déjà passés. Mais vous pouvez vous rattraper tout à l'heure pour découvrir en pleine action la crypto-monnaie Yuan, une monnaie libre numérique née en mars 2017, véritable alternative éthique au Bitcoin, qui assure une création et une répartition égalitaire de la monnaie grâce aux dividendes universels. C'est à 16h à la Coroutine. Attention, la Coroutine a déménagé, elle se trouve maintenant 16 allées de la Filature, au troisième étage, au bout de la terrasse, métro Porte d'Audouy. Vous pourrez également venir à la soirée thématique des Colibris Lille, de la monnaie dette à la monnaie libre, pour découvrir, d'un point de vue citoyen, le fonctionnement de la monnaie actuelle, ses failles, ses alternatives. Donc également à la Coroutine, le mercredi 25 septembre à 19h. Et pendant qu'on y est toujours à la Coroutine, le jeudi 26 septembre, conférence gesticulée, sculpteur de monde, par Christian Lefort. 4850 km à pied en France à la rencontre d'alternatives dans tous les domaines, depuis le paysan boulanger et la ferme de permaculture jusqu'aux Fab Labs et un lycée public innovant, passant par les monnaies locales complémentaires, la production d'énergie citoyenne, les espaces de travail partagés, un logiciel de dialogue pour tous les acteurs de la vie locale, des éco-quartiers avec habitat participatif, des entreprises sans hiérarchie, les associations villes en transition, une EHPAD et des associations éco-responsables. Donc, super programme en perspective. demain à partir de 10h, fête paysanne 2019 à Vingles, à 25 km de Lille, entre Lens et la Bassée. Au programme, un marché de producteurs, des animations pour petits et grands, une ferme pédagogique et des ateliers et débats. Projection documentaire « Mamie sur les villes » à l'APU de Fives, 57 rue de Flers à Lille. Donc l'atelier populaire d'urbanisme de Fives lance un cycle de réflexion sur les questions urbaines qui agitent les grandes métropoles. Gentrification, privatisation, sécurisation, exclusion des classes populaires, mobilisation et mouvements sociaux. Rendez-vous le mardi 24 septembre à partir de 19h pour la projection du documentaire. Un débat aura lieu à l'issue de la représentation. Nous les avons invités dans notre émission et vous pourrez les revoir au Café Citoyen. Débat autour du livre « La sociologie de Lille » du collectif DGTR aux éditions La Découverte. Donc ça sera au Café Citoyen, 7 place du Vieux Marché aux Chevaux, le mardi 24 septembre à 19h. Pourquoi l'art nègre se trouve-t-il au Musée de l'Homme alors que l'art grec ou l'art égyptien se trouve au Louvre ? Bonne question. Oui, c'est à partir de cette question qui a été réalisée, Les statues meurent aussi, court-métrage documentaire sorti en 1953, mais censuré pendant 11 ans en raison de sa critique radicale du colonialisme. Donc un film à replacer dans son contexte, celui des années 50, et de la persistance d'un rêve assimilationniste en France, celui des débuts de la critique décoloniale. Y est questionné le rôle des musées et de la marchandisation dans la dégradation de l'art nègre. Le vendredi 4 octobre à 20h30 à l'Hybride, donc 18 rue Gosselet, ouverture des portes à 19h avec un bar. Et voilà, c'est tout. Merci, on a quand même quelque chose à dire. Je voudrais signaler, puisqu'on avait parlé de Roubaix, la sortie après-demain du livre du collectif Rosa Bonheur, qui a déjà beaucoup travaillé sur Roubaix. Le titre du bouquin qui est édité chez Amsterdam, c'est « La ville vue d'en bas ». Donc l'exemple de Roubaix, évidemment, est au cœur du problème. Et Monique, tu dois t'ajouter quelque chose sur... Oui, ben, toujours sur les livres, moi je voudrais rappeler le livre de Paul Ariès, Gratuité versus capitalisme, aux éditions Larousse, et dont le sous-titre est très précisément des propositions concrètes pour une nouvelle économie du bonheur, et donc aux éditions Larousse. Et puis, alors, vous rappelez le site qu'on a créé pour les transports, c'est un peu long, local.attaque.org/transport-gratuit au pluriel MEL, et le site de la coordination nationale, sur lequel vous pouvez aller aussi chercher des renseignements, réseau-gratuité-transport au pluriel aussi.org. Sinon, pour d'autres questions, si vous n'avez pas eu le temps de noter, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse d'Attaque, c'est le plus court, lille@attaque.org. Juste pour dire que notre prochaine réunion a lieu le 24 septembre, donc à 18h à la Falle de Roubaix, 20 rue de Lille, à Roubaix. La réunion du collectif pour le transport gratuit à Roubaix, hein. Tout en clair. Bah, on termine là-dessus. On peut terminer là-dessus en souhaitant un bon week-end, en souhaitant une bonne manif ensoleillée cet après-midi, en espérant que le temps se maintiendra jusque demain pour la fête paysanne à Vingles, qui est quand même une très très belle fête. Hein, la fête paysanne, on y va régulièrement. Là, pour l'instant, on a toujours bénéficié du soleil. J'espère que ça continuera pour demain. Bon week-end, prenez soin de vous. Eines Morgens in aller Frühe, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch. Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Partisanen, komm, nimm mich mit euch, denn ich fühl, der Tod ist nah. Partisanen. sterbe, hoe je genossen. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Wenn ich sterbe, hoe je genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Wenn ich sterbe, hoe je genossen, bringt mich dann zur letzten Ruhe. Schatten der kleinen Blume. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.